بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le 14 جمادى الثانية de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 7 janvier 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture de Al-Fatawa al-Jaliya an al-Manahij al-Da'awiyya للشيخ الإمام العلامة أحمد بن يحيى النجمي كالله لوي فاس ميزيريكورد. Aujourd'hui, on va commencer par la question quarante-trois de cet ouvrage, dans laquelle Cheikh Rahimahullah est interrogé au sujet des jeunes qui vont vers des endroits retirés, des endroits dans lesquels il n'y a pas d'habitants. Est-ce que ceci fait partie de la méthodologie des frères musulmans? Ou ça ne fait pas partie de leur manhaj? Donc, Cheikh est interrogé, rahimahullah. Il est interrogé au sujet de ce qui est pratiqué dans certains pays de l'islam, surtout par la secte des frères musulmans, où ils emmènent les jeunes vers des endroits loin des gens, des endroits retirés, sous prétexte de faire ce qu'on appelle khalwa, une sorte de retraite spirituelle pour s'éloigner des gens et pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam avant de recevoir la révélation. Donc c'est comme ça qu'ils embellissent cette pratique à leurs adeptes, et on va voir quels sont leurs objectifs à travers ces activités. Donc, Cheikh est interrogé, la réponse, il dit « Na'am, hadhihi min tariqatihim » « Oui, effectivement, ceci fait partie de l'manhaj de l'ikhwan al-muslimin. » Ça fait partie de leur méthodologie. Ils disent « On part vers ces endroits-là pour réciter le Coran et pratiquer certaines adorations. Ils y vont en général la nuit vers des endroits loin des gens et ils se réunissent là-bas et ils commencent à chanter des anachides ou d'autres innovations. Et Cheikh, il dit qu'il se rappelle il y a plus de 12 ans ou 15 ans, il a été invité dans un colloque dans lequel il a été interrogé à ce sujet-là, que certaines personnes emmènent des jeunes après Salat al-Isha, ils les emmènent dans des endroits loin des gens. Et ils prétendent qu'ils les réunissent dans ces endroits-là pour la récitation du Coran. Ils peuvent leur donner, quand ils arrivent, un mushaf à chacun. Et ils disent, toi tu lis deux juz, toi tu... Moi-même, ils ont certaines organisations et ils prétendent que c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est légiféré de sortir avec eux et de participer avec eux dans ces activités? Il a dit, Cheikh, à cette occasion aussi, il a donné la même réponse. Il a dit non. Car ces gens-là, s'ils sont véridiques dans ce qu'ils prétendent, et qu'ils veulent vraiment l'adoration, alors ils vont aller vers les mosquées. Et ils vont s'asseoir dans les mosquées. Et deuxièmement, il a montré sa crainte par rapport à ces jeunes. S'ils emmènent un petit nombre de jeunes, qu'il peut y avoir des agressions même sexuelles qui peuvent être pratiquées sur ces jeunes. Et aussi des égarements. Et ces jeunes n'ont pas la science pour faire la distinction entre la sunna et le bid'a. Et certains ont blâmé Cheikh après cette réponse à cette question dans ce colloque. Et Cheikh leur a montré ses arguments que Salaf, il mettait en garde de s'isoler avec un jeune, un berbe. Car Shaitan, il peut venir à cette personne et lui embellir de tomber dans une turpitude et de commettre un mal avec ce jeune. C'est pour ça, Salaf, ils interdisaient de s'isoler avec yani des jeunes imberbes. En tout cas, il a dit, ce qu'ils font, il y a un danger dans ce qu'ils font. Et en réalité, ces gens-là, ils n'organisent pas ce genre de rencontres comme ils prétendent pour l'adoration. Et même sur quoi ils s'appuient, que le prophète alayhi sallam, il se retirait. Le prophète alayhi sallam, il se retirait avant de recevoir la révélation. Mais il ne s'est jamais retiré de cette manière dans une montagne ou la autre après la révélation. Donc ça, c'était avant la révélation. Et aucun compagnon n'a fait cela. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, radiyallahu anhum. Personne n'était connu pour aller dans des montagnes et s'isoler, comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de recevoir la révélation. Il s'écartait de son peuple, qui était sur l'associationnisme et sur shirk, et il se retirait seul, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète alayhi salam a toujours été sur tawhid. Donc il n'y a pas de dalil, il n'y a pas d'argument dans ce qu'ils avancent. Et aussi ils ont des mauvaises intentions. En réalité ce sont des hizbis qui veulent se cacher et propager leurs égarements. Et former ces jeunes sur leur manhaj égaré. S'ils étaient véridiques, comme il a dit Cheikh, ils seraient allés dans la mosquée devant tout le monde. Pourquoi se cacher? Il a dit, nous demandons à Allah de les guider, de nous guider tous dans le droit chemin. Amin. La question suivante. Cheikh est interrogé, rahimahullah, Cheikh Ahmed ben Yahya al-Najmi, il est interrogé à ce qui est devenu répandu, comme il dit, il le mentionne, le questionneur, à ce qui est devenu répandu à notre époque. À l'époque de Cheikh, c'est devenu répandu. Alors que dire de notre époque ? Et yani, ce qui est visé, c'est l'anachid, ce qu'ils appellent l'anachid islamia, des chants religieux, islamiques. Et il y a certaines personnes qui approuvent cela et d'autres qui rejettent ces anachid. Ils lui ont demandé de détailler la réponse et de clarifier la position juste par rapport à ces anachides. Et quel est votre conseil pour les enseignants, les formateurs qui éduque les jeunes selon ses anachides et qui les incite à les écouter. Et ils disent que c'est mieux que les chants contenant de la musique. Cheikh, il dit, ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية بدعة. Ce qu'ils appellent des anachides islamiyya, en réalité, c'est une bid'a, c'est une innovation. Et chaque innovation est un égarement. Et chaque égarement est en enfer, comme nous a informé le prophète, le messager, alayhi salatu wassalam. Chaque innovation dans la religion est un égarement. Et chaque égarement, c'est-à-dire celui qui accomplit l'égarement, il est menacé par le châtiment de l'enfer. Et ces gens-là, ils suivent la même méthode que les soufis dans ce qu'ils appellent sama', qui ressemble énormément à ces chants appelés à tort islamiques. Et l'imam Ibn al-Qayyim a parlé de ces chants et de cette pratique d'une manière très, très détaillée, dans des poèmes et aussi dans ses livres écrits, en texte. Également, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a critiqué ces chants. Et Cheikh al-Allama Mahmoud al-Twijri, rahimahullah, parmi les grands savants de notre époque, parmi les chouyours de notre Cheikh, Cheikh al-Allama Rabi' al-Madkhali, Habidahullah wa rahimallah Cheikh Twijri, qui était connu pour les réfutations des égarements, Cheikh, il a écrit un livre dans lequel il a montré les preuves de l'interdiction de ces chants qui sont psalmodiés et chantés, et également il a montré l'interdiction de ce qu'ils appellent c'est comme des pièces théâtrales ou comme des séries télévisées ou des choses comme ça qu'ils prétendent utiliser comme moyen de da'wah afin d'appeler les gens à la sunna. Et il a été rapporté de l'imam Shafi'i, comme l'a rapporté de lui Ibn al-Jawzi, dans son livre Naqd al-Ilm wal-Ulama, Shafi'i rahimahullah dit, j'ai vu des gens en Irak. Ça, c'est au début de l'apparition de ces chants soi-disant islamiques pour attendrir les cœurs, pour appeler les gens à l'ascétisme et au renoncement au bien de ce bas monde et ainsi de suite. Ils appelaient ces chants-là, ils les appelaient At-Tarir. Et une autre appellation, At-Tarbir. Avec lesquels ils distraient les gens de le Coran. C'est comme ça qu'a dit l'imam Shafi'i. Donc, comme ceux-là, ils suivaient ces chants-là, dans lesquels, bien évidemment, il n'y avait pas d'instrument. Mais c'est des chants afin d'appeler les gens au délaissement de dunya et au zuhd, à l'ascétisme, et de les faire sortir de l'insouciance vers le rappel. L'imam Shafi'i les a nommés des anadiqa, des dépravés, des déviants. Également cela à notre époque, ils distraient les gens avec ces chants et ils les font rentrer par la suite dans les tendances de Sofia et ainsi de suite. Et subhanallah, si vous suivez les prêcheurs en France, ceux qui se disaient salafis il y a quelques années et qui ont commencé par mettre des anachides au début ou à la fin de leur cours, ou là, ils écoutent l'anachide. La plupart d'entre eux aujourd'hui d'après ce que je sais, ne voient pas de mal dans le sophisme. Il y en a qui le disent clairement, il y en a qui le cachent. Là, la plupart d'entre eux, ils sont penchés vers Sophia pour voir la véracité de ce que Cheikh il dit. Que c'est Anachid, c'est la porte au sophisme. C'est pour ça que Cheikh il appelle les jeunes à s'éloigner de ces choses-là et à se tenir à la méthodologie de Salaf. Et il appelle les jeunes à ne pas être leurrés. Il dit « Ya ma'ashara al-shabab, la yaghurrannakum al-gharraroun, wa yamkura bikum al-makkaroun. » Ne soyez pas leurrés par ces dépravés et ces ruseurs qui veulent vous éloigner de la sunna. Et il invoque Allah en faveur de ces jeunes, qu'Allah leur fasse miséricorde et leur facilite l'attachement à la sunna et à la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Car le bien, tout le bien se trouve dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la sauver, c'est dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tout ce qui est en dehors de cette sunna, c'est égarement et déviance. Et le bien qui te rapproche d'Allah, tu le trouves dans sa totalité. Tu le trouves dans la sunna. Il n'y a pas un bien qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous a pas montré. Il nous a montré tout bien qui nous rapproche d'Allah. Il nous a mis en garde contre toute chose qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière globale ou détaillée. Donc le bien, c'est dans la sunna. Et c'est ça que Salaf ont compris, à commencer par les compagnons radiyallahu anhum. Ils ont compris que le bien, c'est dans sunna, et que toute pratique, on parle bien du domaine de l'adoration. Car ces gens, quand ils écoutent ces anachid, c'est pour appeler les jeunes à l'adoration et à des choses, donc ça devient comme une adoration. C'est pour ça, Cheikh, il l'a qualifié de bid'a. Le bid'a, c'est toute chose avec laquelle tu te rapproches d'Allah qui n'est pas légiférée. Et ça finit par remplacer le Coran. C'est pour ça, ceux qui écoutent souvent le Coran, souvent l'anachid, tu vas constater chez eux qu'il peut pleurer, il peut être touché quand il écoute l'anachid, et tu lui récites surat Yassine, il n'est pas touché. Et ça te montre que même yani ses pleurs et ses sentiments par lesquels il est touché, ça vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Si ça venait d'Allah, il serait plus touché par le Coran. Et en général, ceux qui écoutent jusqu'à devenir dépendants de ces anachides, tu vas trouver qu'ils lisent rarement le Coran. Wallah al-musta'an. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous éloigner de ces choses-là qui ne sont pas légiférées et qui sont utilisés par les égarés, car ils savent que ça attire les jeunes. Regardez les prêcheurs dont je vous parlais tout à l'heure, regardez, ils utilisent tous les moyens pour attirer les jeunes. Anachid, ce qu'ils montrent d'eux-mêmes, et ainsi de suite. Beaucoup de moyens. Certains, ils font des ils les font même dans des cours. Ils vont jouer une scène entre deux jeunes et des choses comme ça. Tout ça pour attirer les jeunes et les faire tomber dans leurs panneaux et dans leurs égarements et les éloigner de la sunna. et commence petit à petit jusqu'à montrer clairement la vérité des choses auxquelles ils appellent les gens. Il y en a, ils finissent par l'Ash'ariya. Et ça, c'est des phénomènes nouveaux chez les prêcheurs en France. Auparavant, on n'a jamais entendu quelqu'un qui appelle à l'Ash'ariya, qui appelle clairement au sophisme, comme Oulla ou Madhab de Tafouid, comme un certain dénommé Mohamed Nadir, ou ceux qui sont avec lui, comme un autre qui s'appelle Alain Ali. Ces gens-là, malheureusement, Alain Ali, qui a étudié à l'université islamique et qui est sorti avec des égarements au point de voir shirk comme un tawhid, et même de dénigrer celui qui a critiqué ceux qui font des chants dans lesquels il y a shirk. Regardez comment Shaitan, il mène graduellement, petit à petit, les gens vers l'égarement. Il commence par des chants, soi-disant, pour attendrir le cœur, pour appeler à l'adoration, pour des choses comme ça. Et ils finissent par des poèmes dans lesquels il y a shirk explicite. Comme on m'a montré quelqu'un qui s'appelle Boussinna, qui répétait un chant dans lequel il y a du shirk, que n'importe quel débutant y comprend, que c'est du shirk. Et après, ses suiveurs ont commencé à défendre, non, vous avez pas compris. Wallah al-musta'an. En tout cas, prenez le conseil, comme il a dit Cheikh, il a dit, هذه نصيحتي لكم. C'est mon conseil pour vous. Acceptez-le si vous souhaitez. Et rejetez-le si vous le souhaitez également. Mais, il dit, je suis sûr que celui qui ne prend pas en considération ce conseil, il va le regretter. Il va le regretter. Car ton cœur, Akhil Karim, c'est pas toi qui le contrôle. C'est pas toi qui contrôle ton cœur. Je vais écouter seulement et je vais voir. Éloigne-toi du mal. Fuis le mal. Et ceux qui disent que ces chants sont meilleurs que les autres chants dans lesquels il y a de la musique, Cheikh, il dit que la musique, les chants accompagnés de musique, ça c'est une ma'asiyah, c'est un péché. Et celui qui persiste sur le péché, c'est un déviant, c'est un fasiq. Par contre, les chants innovés, celui qui persiste, c'est une bid'a, c'est une innovation. Et celui qui persiste sur une bid'a, alors c'est un mubtadi'. Et bien évidemment, c'est plus grave. Le mubtadi', son cas est plus grave que le fasiq. Car le fasiq, celui qui est dans les péchés, il sait qu'il est dans l'erreur. Il est espéré pour lui de revenir un jour et de se repentir de son péché. Contrairement à l'innovateur qui considère ce qu'il fait comme un bien qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi il va se repentir? C'est toi qui dois te repentir parce que tu le critiques, parce que tu lui dis que c'est pas autorisé. Pour lui, c'est toi qui dois te repentir et non pas lui. C'est pour ça, c'est rare que le mubtadi' il se repent. والله المستعان. نعم كم هذا رشيد الجاي كم plein plein là ni plein qui appelle les jeunes avec ses moyens. والله المستعان. Donc une question similaire, la question suivante, c'est une question similaire au sujet de ce qui est pratiqué dans les centres de loisirs d'été, notamment en Arabie Saoudite ou autres, il y a ni des centres qui sont tenus par les Hizbiyin, dans lesquels ils appellent les jeunes à écouter des chants, à faire des scènes de spectacle entre eux, et des choses comme ça. Et ils disent que ces spectacles et ces chants permettent de Ils disent que ce sont des solutions pour beaucoup de problèmes dont souffrent les jeunes et que les prêcheurs et les réformateurs n'ont pas réussi à solutionner. Et ils disent que le jeune, il est plus touché quand il voit une image, il voit une scène avec des chants que quand on lui dit les paroles comme ça. Wallah al-musta'an. Yani, ils suivent cette règle juive qui dit que le but justifie les moyens. Alors que pour le musulmane, il faut avoir un objectif juste et correct et que les moyens soient légiférés également. C'est pas parce que tu as une bonne intention qu'il t'est permis de faire tout et n'importe quoi. La bonne intention est une condition, mais il y a une deuxième condition qui est le suivi et la conformité à la législation. Donc, Cheikh, il a répondu avec quasiment la même réponse que ces choses-là, ces pratiques, sont interdites et qu'elles ne sont pas légiférées. Les séries télévisées, les scènes où il joue, tout ça n'est pas permis car ça comporte du mensonge. Tout d'abord, ça comporte du mensonge. Et que les gens y prétendent des choses qui ne sont pas réelles. Il joue le rôle d'un jeune qui était dans les péchés, alors que c'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est pas parce que tu vas appeler les gens à la vérité que tu vas mentir. Et d'autres erreurs qu'on trouve dans ces pratiques. Donc regardez comment Salaf, ils ont blâmé ceux qui faisait ses chants, alors que c'était pas chanté comme on peut entendre aujourd'hui. Et pire encore aujourd'hui, ils sont arrivés à imiter les instruments avec des logiciels. Et ils disent que c'est pas des instruments, ce sont les instruments qui sont haram. Mais quand t'écoutes un chant avec des instruments et un chant avec ses voix modifiées pour ressembler à des instruments, tu ne fais pas la différence entre les deux. Et celui qui peut être le plus touchant encore et attirer le plus, des fois, c'est celui où ils imitent ces instruments. Tellement ils ont des logiciels sophistiqués. Et ils disent que c'est permis, parce que on n'a pas utilisé des instruments. On a fait rentrer des voix humaines et on les a modifiées. Subhanallah. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que les juifs ont fait dans leur religion? Les juifs à qui, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation de gras dans les animaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ruse, ils ont vendu ce gras. Ils gardaient le gras d'un côté, ils le vendaient. Et ils consomment ce que ça leur rapporte comme argent. Donc ça, c'est parmi leurs ruses. Et dans d'autres hadiths, il y a plus de détails. Ils prenaient ces shuhum, les gras, le gras dans les animaux, ils le prenaient, ils le faisaient fondre, ils le mélangeaient avec d'autres produits, ils les revendaient. Et aussi par rapport à l'histoire où Allah leur a interdit de pêcher le jour du samedi, le poisson, et ils ont fait des fossés où là ils ont tendu des filets la veille du samedi, le vendredi, et ils ont récupéré le dimanche. Donc ils n'ont pas pêché le samedi. Donc ça c'est parmi leurs ruses. Et ça c'est, quand t'entends comment c'est fait, c'est des ruses. Que ce soit qu'on utilise des instruments ou autre chose, le résultat est le même. Wal'iyadu billah. Et c'est pas le seul point que cette secte qui est appelée l'Ikhwa al-Muslimin, c'est pas le seul point qu'ils ont en commun avec les Juifs. Il y en a d'autres aussi. La question 46, le frère demande au Cheikh, rahimahullah, il lui exprime son envie de demander la science religieuse et lui demande de lui expliquer la méthodologie juste dans la demande de science légiférée. La réponse, il dit طلب العلم الشرعي طريقته واضحة. La méthodologie dans la demande de science, la science de la religion bien évidemment, elle est claire. Tu demandes la science auprès des hommes de science. Des hommes de science salafis. Et d'être en garde contre le hizbiyin. Contre ceux qui ont des méthodologies innovées et déviantes. Donc si tu veux le conseil, ne va pas chez ces gens-là. Mais va chez les hommes de science qui enseignent le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, salam, ayant la croyance salafi authentique. Et dans ta demande de science, commence par le plus important pour arriver à ce qui est important. Car tout est important dans notre religion, mais il y a des degrés de priorité qu'il faut respecter. Fin de la réponse de Cheikh. Donc, ça, c'est un conseil très important. Tout d'abord, savoir de qui tu prends ta science. Ça, c'est le premier point. Et c'est fait parmi les fondements de Salafia. Et combien de jeunes ont dévié à cause du non-respect de ce principe fondamental. Il a de l'admiration pour soi-même, il se croit à l'abri, il dit « Alhamdoulilah, je fais la distinction, je comprends, j'écoute et je vais savoir par moi-même. » Est-ce qu'il appelle à la sunna ou pas? Et il n'a pas su, ce pauvre, ce miskin, il n'a pas su que chaque égaré a appris comment embellir son égarement, comme on dit salaf. فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ. C'est parmi les premières choses que leur chouyur leur enseigne. C'est comment te faire tomber dans ces panneaux. Et comment t'embellir son égarement. Quand je vois cet égaré qui s'appelle Mohamed Nadir, qui accuse les salafiyins avec des accusations graves, il prétend que les salafiyins n'ont pas de chouyour. Et que leur chouyour, il s'arrête au 13e ou là, je ne sais pas quel siècle il dit. Est-ce que cet homme est un ignorant? Je ne pense pas. Mais regardez comment il ruse. Et comment ceux qui sont ignorants, comment ils peuvent absorber facilement ces ambiguïtés? Comment ça, salafis, ils n'ont pas de chouyour? Ils n'ont pas de lien avec salaf. C'est qui a le lien avec salaf? C'est toi avec ton égarement de Sophia et de tous ces égarements auxquels t'appellent les gens? Les salafiyin, leur chouyour, c'est les compagnons radiyallahu anhum. C'est les imams de tabi'in et de tabi'i tabi'in jusqu'à notre époque. Ils veulent montrer aux gens que nous savons, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est Ibn Taymiyyah, c'est Ahmed ibn Hanbal. Ça s'arrête là. Et l'imam Malik, et l'imam Shafi'i, et tous ces savants de Salaf qui étaient sur l'aqidah salafia et non pas sur l'aqidah à laquelle vous appelez les gens. Ces savants de Salaf qui étaient sur la sunna et non pas sur le sophisme auquel vous appelez les gens. Va regarder dans les trois premières générations de cette communauté. Est-ce que tu vas trouver des gens comme toi? C'est toi qui dont le lien est coupé avec Salaf. Toi et tes semblables. Donc soyez en garde, mes frères et sœurs. De qui vous prenez votre science? Qui vous écoutez? Ne soyez pas leurrés par la beauté du discours. Et revenez au Coran pour voir comment Allah décrit le munafiqin. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Ils ont cette éloquence. Ils ont cette façon de présenter l'égarement comme un bien. Mais salaf n'ont pas été leurrés pour autant par ces gens-là. Donc ça, c'est le premier conseil de Cheikh Rahimallah et c'est un conseil précieux à respecter à la lettre. Regarde de qui tu prends ta science. Ça, c'est le premier point. Ensuite, avance graduellement dans la demande de science. Et sache que la demande de science, c'est une adoration. Ne te laisse pas désespérer par shaitan que ça fait 5 ans, ça fait 4 ans que t'apprends et t'arrives pas encore à être vraiment un talib ilm. Yahi, la demande de science, c'est une adoration. T'arrives ou t'arrives pas, peu importe. Ça, c'est un bienfait supplémentaire. Mais reste accroché à cette voie de salaf et à l'apprentissage. Et consacre ce que tu peux de chaque jour, de ta journée, consacre un moment à l'apprentissage. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, 10 minutes. Et reste sur ça jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration. Et même cette ambiguïté de shaitan que peut-être t'es pas fait pour la demande de science, ou peut-être ou tu ne comprends pas, ou t'as pas acquis vraiment un bagage, ça c'est faux. Regarde comment t'étais il y a 2 ans et comment t'es aujourd'hui. Bien évidemment, tu vas constater une grande différence, un grand progrès dans tes bagages. Donc reste accroché à cette voie, c'est une adoration, demande la science et avance graduellement. Commence par le moutoun qui s'en fait par les débutants. Et pour ceux qui ne sont pas arabophones, on commence par ces moutouns importants pour corriger notre aqidah et apprendre les bases de la sunna et connaître comment adorer Allah dans notre quotidien. Et en parallèle à ça, apprends la langue arabe. Et si tu ne peux pas, une fois que tu auras acquis ces bases indispensables à tout musulman, passe à l'apprentissage de la langue arabe et consacre-toi à l'apprentissage de la langue arabe. Faut pas que tu restes 20 ans dans l'apprentissage en langue française ou 10 ans. 2 ans sont suffisants pour apprendre les bases de ta religion en français. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas la capacité d'apprendre l'arabe en même temps que d'acquérir les bases de sa religion. 2 ans sont largement suffisants, comme a dit Nawawi rahimahullah. Et celui qui est capable de faire les deux en parallèle, c'est encore mieux. En tout cas, il faut savoir que l'apprentissage dans une autre langue que la langue arabe, ça doit être une phase temporaire. Le but, c'est pas de former un talib ilm en français. Le but, c'est d'acquérir les bases de ta religion, de connaître le manhaj salafi, de connaître l'aqid al-sahiha, de connaître de l'fiqh, les choses dont tu as besoin au quotidien. Et ensuite, tu dois te consacrer à l'apprentissage de la langue arabe. les ennemis de l'islam, quand ils ont voulu combattre les musulmans et la umma de l'islam, ils ont commencé le premier point. C'est celui-là. Ils ont commencé par les éloigner de la langue arabe. Ils ont utilisé beaucoup de moyens. Mais l'objectif était éloigner les musulmans de la langue arabe. Car un musulman qui n'a pas la langue arabe, il reste un musulman faible. Il ne peut pas, il lit le Coran, il ne comprend pas. Ou peut-être il ne sait même pas lire le Coran. Il ne sait pas lire le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Ou il lit, il ne comprend rien. Il revient à un tafsir, il ne comprend pas non plus. Sa compréhension, c'est dans une autre langue. Et non pas dans la langue arabe. Donc, alhamdoulillah, avec le peu de science qu'Allah nous a accordé, on est sur le manhaj salafi. Il y a des grands savants qui se sont égarés de ce manhaj. Donc ça, c'est une ni'ma immense dont Allah t'a comblé. Mais faut que tu arrives à apprendre ta religion en arabe. Faut pas que tu restes dépendant d'un traducteur et de sa compréhension à lui. Donc fixe ça comme objectif d'apprendre la langue arabe. Et la langue arabe, c'est pas compliqué. Rien n'est compliqué de toute façon pour qui Allah l'a rendu facile. Lakin, la langue arabe, d'une manière générale, c'est assez simple. Il n'est pas demandé de devenir Sibawi ou de devenir Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Il est demandé d'avoir un minimum de la langue arabe pour que tu puisses comprendre quand on t'écoute un homme de science qui explique un livre ou qui fait une conférence en arabe. Et ça, c'est un niveau qui peut s'acquérir en 6 mois. Pour quelqu'un qui se consacre à l'apprentissage de la langue arabe, 6 mois sont largement suffisants. Quelqu'un qui est lent dans l'apprentissage, 1 an. Mais on parle d'un an où tu es consacré à cela. Tu ne vas faire à côté que des révisions de l'aqida, écouter un cours par-ci, par-là, suivre par exemple une série. Et ça te prend pas énormément de temps. Lakin, tu ne fais que la langue arabe et ce qui t'aide dans la langue arabe, comme la mémorisation d'un verset par jour. Car dans l'apprentissage de la langue arabe, tu as besoin de connaître les règles et de mémoriser du vocabulaire aussi. Et il n'y a pas mieux que le Coran pour mémoriser du vocabulaire. Tu mémorises un verset dans lequel il y a plusieurs mots et ça te fait 2 choses en une seule. Lakin, l'objectif principal, c'est d'apprendre l'arabe, d'écouter les cours des savants, de profiter directement de la source. Qu'Allah nous le facilite à tous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses beaux noms et par ses attributs sublimes, de nous maintenir sur la voie de Salaf jusqu'à le rencontrer et de nous faire vivre et mourir sur Tawhid et sur la Sunna et de nous faciliter la demande de science et de nous accorder la fermeté dans cette voie et la constance et de demander cette science jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.